Chapitre 73e, dans le filet. Le lendemain matin, naturellement, Zygomar se trouvait avec ses hommes au champ d'expérience d'artillerie. Il était déjà au courant des derniers événements. Les hommes placés là l'avaient renseigné. Lui-même put suivre une partie de l'enquête, assister à la dernière partie de cette affaire. Cela ne fut pas sans lui causer une grande joie. « Le général baron Osaka, dit-il, qui veut opérer sans nous, par ses propres moyens, vient d'échouer cruellement. Allons, nous arriverons avant les Japs au DR, et quand nous le leur vendrons, ils sauront ce que ça leur coûtera. » Ici, Zygomar oubliait que même Zygomar ne pouvait faire marcher de la peau de l'ours avant d'avoir tué la bête. Mais vers le soir, quand les exercices prirent fin, Zygomar crut avoir le droit de croire cette fois à la victoire. Il avait reconnu Paulin Broquet ayant repris son rôle de sapeur artificier auprès du colonel de Fongrive. « C'est lui, » se dit-il, « c'est lui qui garde les documents. » Il ne chercha point cette fois à attaquer l'autre sapeur, celui qui rentrait à Paris avec la grosse sacoche de cuir, et la déposait dans le bureau du commandant Girard. Car il avait vu, sans probablement se douter que c'était un fait exprès, Paulin Broquet mettre précieusement dans un sac de toile des papiers que lui confiait le colonel de Fongrive, et ce sac de toile le placer sous sa tunique, bien boutonnée ensuite. Puis il vit, car désormais il ne quittait pas de l'œil le sapeur artificier, Paulin Broquet monté avec le colonel en auto, et conduit par Sidi, rentré à Paris avec son lieutenant Gabriel, trois hommes tous vêtus en artilleurs. Zygomar, sous un costume de simple badaud, se croyait méconnaissable. Sa bande également déguisée, camouflée, avait pu deviner les hommes de Paulin Broquet sans penser que, ils étaient découverts également. Le maître, maintenant, suivait l'auto que conduisait Sidi. Un moment, il pensa attaquer l'auto du colonel, mais le hasard des rencontres, les autres autos trop nombreuses sur la route de Versailles à Paris, ne le lui permirent pas. Alors il épia la maison du colonel. « C'est là que ce soir vont dormir les documents, dit-il, c'est là que je vais aller les prendre. » À la porte du colonel fut placé, par mesure exceptionnelle, un factionnaire avec armes. C'était un homme de Paulin Broquet, et chez la concierge, un homme de la brigade du détective se tint aux aguets. Les locataires, les gens qui entraient ou sortaient, devaient passer sous les yeux de ces deux gardiens. Sans doute Paulin Broquet jugeait cette surveillance suffisante, car toujours en sapeur artificier, il remontait en voiture et filait du côté de Versailles. « Bon, se dit Zygomar, il va là-bas garder les détonateurs, craignant encore un coup des Japs ou un coup de Zygomar. » Dans le milieu de la nuit, alors que la maison dormait, Zygomar ayant pris l'aspect, s'étant donné la silhouette d'un des locataires de la maison, qui étant marquis Don Isigo Martello il connaissait, se présenta, se fit reconnaître de la sentinelle d'abord, de l'agent et de la concierge ensuite. Il monta dans la maison, dans laquelle tout le monde semblait dormir profondément. Depuis longtemps, Zygomar avait formé le projet de pénétrer chez le colonel de Fongrive et se trouvait en mesure de le faire. Il lui fut donc facile de mettre ce soir son dessein à exécution et d'entrer chez le colonel. À la même heure, un des hommes de Paulin Broquet, ayant mission de suivre toute la nuit Don Isigo Martello, pouvait voir le galant marquis aidant sa sœur, la radieuse Pepa d'Ortega, à mettre sa sortie de théâtre à l'opéra, après le spectacle auquel, dans sa loge, il avait assisté depuis le commencement de la soirée. Zygomar, ayant par-dessus son costume de ville passé sa cagoule, qui se logeait sous le veston bien serré, avança doucement à pas de chat dans l'antichambre. Il écouta. Aucun bruit dans l'appartement ne l'inquiéta. Il n'entendit que le tic-tac sec d'un coucou. La porte de la chambre à coucher du colonel était fermée. Il put percevoir cependant la respiration forte, le ronflement du colonel qui dormait profondément. C'était le calme, la tranquillité absolue. Le colonel et Paulin Broquet devaient croire la maison suffisamment gardée par la sentinelle et l'agent du bas. La porte de la chambre à coucher s'ouvrait en dedans, la clé se trouvait de l'autre côté. Par précaution, Zygomar entoura la pomme de la serrure d'un fil d'acier dont les deux extrémités se terminaient par des crochets d'acier. Ces crochets, il les enfonça dans le bois du cadre de la porte, et cette porte se trouva ainsi absolument fermée, car plus de l'autre côté on eût voulu l'ouvrir, plus en tirant, les crochets se seraient enfoncés dans le bois, plus ils auraient tenu. Il ouvrit la porte du cabinet de travail. Muni d'une lampe électrique à ampoule bleue, il commença à perquisitionner et finit par découvrir la sacoche de toile dans laquelle il avait vu Paulin Broquet, en sapeur-artificier, serrer les documents que lui remettait le colonel. Zygomar s'empara vivement de la sacoche, l'ouvrit et vit qu'elle contenait des documents, des dessins qu'enfermait une chemise portant ces deux mots fatidiques, détonateur Imailo. Souriant, vainqueur, ayant atteint son but, Zygomar serra précieusement la sacoche de toile sous son veston et comme il était venu, sans le moindre bruit, il se retira. Comme il sortait du cabinet de travail avec son butin précieux, son pied rencontra un obstacle qu'il ne soupçonnait pas, qu'il n'avait pas remarqué tout à l'heure. Il pencha instinctivement la tête pour voir ce que c'était. À ce moment, il reçut sur la nuque un formidable coup de poing. Il tomba à terre et sentit qu'on le roulait, qu'on l'enserrait. En même temps, l'antichambre fut éclairée. Zygomar voulut se débattre, faire usage de sa force merveilleuse. Il ne le put. Ses mains, ses bras, ses jambes, tout son corps était pris, serré, maîtrisé, réduit à l'impuissance absolue. Il ne lui restait plus que la ressource de vomir sur celui qui le tenait tous ses jurons de rage, de haine, de vaincu. Et Poulimbroquet lui cria « Allons, Zygomar, allons, peau d'anguille, je te l'avais bien dit que tu tomberais dans mon filet. » C'était en effet dans un filet que se trouvait Zygomar, filet en maille de laiton, souple, mais solide et à l'abri des coups de couteau. Un filet haut de 2 mètres, large de 2 mètres, monté sur 2 tubes d'acier léger et résistant. Une chaîne en haut, une autre en bas qu'on pouvait serrer et qui aidait à rapprocher plus ou moins les 2 montants, fermés par des cadenas, achevait l'appareil. Et le terrible Zygomar, pris à la nasse, immobilisé, vaincu, gisait à terre sans qu'il lui fût possible de tenter le moindre mouvement de défense, sans espoir de fuite, malgré sa force, malgré son audace, malgré son imagination. Il était dans le filet. « Tu as eu tort de venir ici, » lui dit en riant Poulimbroquet. « D'abord parce que les documents ne sont pas dans la sacoche de toile, mais ce soir dans la sacoche de cuir du sapeur parisien, à l'école d'artillerie, et surtout parce que tu t'es laissé prendre stupidement. Tu finis dans un filet, alors que Zygomar devait finir dans une apothéose triomphale. » Mais le bandit, cessant ses jurons, cria. « Poulimbroquet, ne chante pas déjà victoire, tu sais bien que Zygomar ne peut finir encore. » Poulimbroquet, Gabriel, prirent alors chacun un bout des montants d'acier, et ils emportèrent, comme aux Indes on emporte le tigre vaincu, sur leurs épaules, Zygomar. Ils le déposèrent dans l'auto, que Sidi l'Algérien enleva triomphalement en hurlant son « pan pan pan l'arbi ».